Au Québec, le citoyen n'est pas comme dans certains pays, entouré de dynamite, mais plutôt de bouteilles vides, puisqu'il existe une consigne ici au Québec sur la bouteille vide, sur les résidus. Pardon? L'ouverture n'est pas. Non, non, non, non. Elle n'est pas comme l'éclair. Non, la fermeture n'est pas éclair. Non, non, non. Elle n'éclaire personne. Alors, est-ce que j'ai droit à une deuxième chance? Attendez, là, nous sommes ici entourés d'un jury. Injurié devant autant de bêtises, monsieur Gagné. Oh, ça commence bien. Ça commence très bien, mais on va se renseigner auprès de l'autre des gens ici. Oh, je pensais que vous disiez en haut, mais ici en haut, la Cour suprême. Qu'est-ce qui est plus important que la Cour suprême dans une société? Le citoyen? Le citoyen, c'est rien devant la Cour suprême! C'est elle qui décide de vie ou de mort sur un individu. Mais pour au Québec, le Pierre-Éliott Trudeau. Ah, lance-moi Pierre-Éliott Trudeau! Non, mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas rien! Il me semble qu'il avait coupé le. Il n'y a rien coupé, lui. Oh, oui, la francophonie. Ah, oui, ah, ben oui, là-dessus, il a coupé la francophonie. Mais c'est pas ça qui est question ce soir. Oh, c'est de quoi? Ben, c'est de cette phrase que vous vouliez dire, mais que votre bouche ne saisissait pas le sens. Oh, saisissait pas le sens, non? Comme d'habitude. Comme d'habitude, je veux parler. Comme d'habitude, je vais m'enfourcher. Ah, il aime ça s'enfourcher, lui. Au Québec! Le citoyen n'est pas comme dans certains pays entouré de dynamite, mais plutôt de bouteilles vides, puisqu'il existe une consigne sur ce récipient des plus insipides. Il n'y a rien de. Des courants d'air. Il n'y a rien de plus, parce que sinon le son risque de s'entourer d'un rien inutile. Comme tous les riens sont-ils? Premièrement, attends un petit peu. Est-ce que les riens sont inutiles? Certainement que oui. Bon, alors donc, on peut dire que. Ben, qu'ils sont inutiles. Oh, OK. Ça finit pas comme ça. Ben oui. Oh! Alors donc, avant que tu parles de l'inutilité de la consigne. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Je disais, là, pour la troisième fois, premièrement, là, nous sommes. Il faut le savoir, là, parce que sinon, ils vont me dire. C'est pas la peine. Tu fais affaire avec des poules, non des poulettes. Le 6 mai, nous sommes le 6 mai 2011. Au Québec. Le citoyen n'est pas comme dans certains pays entouré de. Les gens ont compris, là. T'as pas à répéter. Ben non, j'aime bien répéter, moi. Comment ça, tu penses que. Non, je pense pas, moi. J'ai jamais pensé et je n'oserai jamais dire que je suis un penseur puisqu'il n'en a très peu dans notre société. Une centaine? Nous, on réfléchit, c'est-à-dire que. Ah, il va répéter ça. Non, mais à monsieur! Non, je suis une madame. Madame, les sexes sont quand même toujours difficiles, très difficiles. Mais ils risquent. Oh, ça fait. C'est un bombardement. Oui, mais par en arrière. OK. Bon, mais ça, c'est pas important. Les gens ne savent pas. Le bombardement se passe en arrière. Comment ça? Ils savent pas. Ils sont pas au courant. Ben, ils ont pas entendu. Non. Grâce à mon micros, Super Micros Zeros, il ne capte que les sons que je veux bien qu'il englobe dans son enchantement auditif. Eh, monsieur! Oui, ben voyons. Alors donc, au Québec, je vais répéter, au Québec, le citoyen n'est pas comme dans certains pays entouré de dynamite, mais plutôt de bouteilles vides, puisqu'il existe une consigne sur ce récipient des plus insipides. J'aimerais bien qu'un jour, ici au Québec, au lieu qu'on parle de certaines insignifiances, oui, des insignifiances, tu connaissais les insignifiances, oui, je connais ça, moi. Mais les insignifiances encore davantage. Alors, OK. Alors donc, j'aimerais bien. Alors donc, il faut arrête de dire alors donc. OK. Alors, avez-vous un crayon, Madame Thibodeau? Non, mais j'ai un crayon feutre. Alors, feutrons la chose. Retirer alors donc, au même titre que quel truc que je dis souvent, donc, premièrement, OK? Premièrement. Et on va arrêter premièrement et. Mais, ça tombe bien parce que nous sommes dans ce mois. Nous sommes dans ce mois de mai. dans ce mois. Hey, ça, c'est le mois, c'est le bout que j'aime moins lorsqu'il chante. On dirait qu'il s'emporte puis il s'entend pas chanter. On dirait que c'est le mois de mai. Le mois qui se prépare à nous aimer. Et je souhaite que le mois de mai nous aime. Je le souhaite jusqu'au plus profond de ma connaissance, c'est-à-dire très peu d'interrelations entre mes réflexions et ma connaissance. Comment ça? Ben, connaissance, oui. Dans connaissance, il y a naissance. Oui, mais il y a con aussi, hein. Lorsqu'on est trop souvent, on devient con. Alors donc, il faudrait... J'ai dit que j'enlèverais. Alors donc, t'as des chances. On t'en laisse trois ce soir. Parce qu'on voit que t'es surmené par ton ménage. Oh, mais là, mon ménage, là, c'est ça. Ici, au Québec, on appelle un ménage une vie de couple. Hein? Ah, moi, mon ménage va bien. Ah, oh, ma femme va bien. Mes enfants vont bien. Ils font leurs 8 heures. Ah, oh, c'est ça. Je nourris ma femme au biberon. Les enfants à grosse bière, à la grosse bière, à la bière d'épinette, à la boisson gazeuse. Oh, c'est pas très bien ça. Mais elle ne gaze pas trop, hein. Pourquoi? Mais parce que j'ai peur qu'il parte un peu comme le ballon indirigeable dans notre société et qu'il devienne un jour politicien. Oh, c'est comme ça. Ben oui. Hey, les gens, là, les petits-enfants, les petits, plus t'es petit, plus tu bois de la boisson gazeuse, plus tu deviens énorme et tu te gonfles et tu t'élèves et tu dis « Je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le magnifique. » Et dans le ciel, le firmament, tu te dis « Je deviendrai ministre ou premier ministre. » Et là, pouf, ça explose et là, on voit le nom de l'individu qui s'installe dans le ciel. C'est quand même assez énorme. C'est très énorme. Moi, là, je dis, c'est au moins 250 livres d'humour, ça, là. Oui, ben, en kilos, 250 livres en kilos, ça fait 500 kilos. 500 kilos, 523 kilos et 97 centimes. Mais non, les kilos et les centimes. Ben non, les kilos et les centimes, c'est semblable. Voyons, donc, toi, là. Tu prends-tu le peuple pour des ignares? Non, mais je veux leur souligner. M'entends-tu? Oui, attendez, hey, vous là, on vous entend depuis 3 émissions. J'espère qu'on va vous entendre jusqu'à la fin, pendant cette errance rénaldienne du 6 mai 2011. C'est bien de le préciser 2 fois. Hein. Les gens se disent, hey, je suis dans quel jour? Moi, là, je me réveille, je suis couché, je suis allongé verticalement, horizontalement. Vais-je tomber dans un tumulte des plus effrontés qui m'amènera un jour à cette émission qui me dérange le cervelet, moi qui est si faible? Tu es faible. Ben, je suis faible au niveau du troisième tiroir vers le bas. Oh, OK. Mais moi, écoute, le genre humain, normalement, a 153 tiroirs. Pourquoi 53? Non, j'ai pas dit 53. J'ai dit 153. Oui, mais pourquoi 153? Ben, parce qu'ils en ont pas 154. Puis ils en ont pas 152. Ils en ont 153. OK. Alors, dans toutes ces armoires, ben, à travers ça, je peux dire que beaucoup d'entre eux sont vides. Oh! Parce qu'ils sont insignifiants! Oh, comment peuvent-ils venir rien? Comment? Tu parles d'une autre langue que je comprends pas. Non, mais comment peuvent-ils... Vous voyez ça de même, vous? Ben, je vois ça de même. Mais attendez, là, vous me dites ça d'une manière un peu hautaine, là, mais vous je... Vous voyez ça de même, vous? Oui, 150... Ben, c'est écrit là, dans « Science et peuple ». Le peuple possède 153 tiroirs, dont la majorité sont vides. Pour les remplir, il leur faut une certaine volonté. Oh, la volonté, c'est pas donné à tout le monde, hein? J'ai demandé hier au soir à mon beau Jean-Charles. Oh, pas ton beau Jean-Charles. Mon beau Jean-Charles. Je tournais ma sauce à spaghetti, Madame Thibodeau. Ah, non. Je tournais ma sauce à spaghetti. Oh! Allez-vous la réussir un jour? Non, mais elle mijote depuis 7 ans, hein? Ça sent bon, je la sentais. Oh, moi, ça me monte au nez. C'est pas la moutarde, vous, non, moi, c'est la sauce à spaghetti. Bon, ben, c'est bien. M'entends-tu? Oui! Hey, attends. Tombé au fond du micro, là. Oui, mais, monsieur, première. C'est, non, arrête de le dire, première. Non, c'est un monsieur, hein? Oui, c'est un. On nous a dit, allô, on éteint le micro. Pourquoi qu'on capte plus rien, là? Que... Ben, c'est parce qu'on a... Premier, est-ce que je peux te parler? Ben oui. En privé? Ben là, c'est l'émission, là. Non, mais en privé? Oh, elle met le générique. Non, mais en privé, je peux dire que le monsieur... se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Avant de nous quitter, j'ai 10 questions. À la Proust? Ben pas vraiment. Je vous propose 10 questions qui vous métamorphoseront en une multitude de variantes. Alors, bon. J'aimerais savoir Allons-y. Si vous étiez un liquide. Un liquide? Oui. Un verre de rouge. OK, pourquoi? Bon, parce que j'aime bien le... j'aime bien, là, je vais à mon festival à Sancerre. J'y vais pour le jazz, mais aussi pour le pinard. OK. Quel vin en particulier? Ben, le Sancerre, j'aime beaucoup le okay. Sancerre. Okay. J'aime beaucoup certains Bordeaux, et puis certains Minervois aussi. Voilà. Je m'installe dans le Minervois en ce moment. Et vous n'êtes pas comme Gérard Depardieu, vous êtes... Vous j'ai pas de vigne. Non? Ben non, parce que, bon, entre nous, bon, il a donné son nom à un vin chez Bouvet-la-Dubé, à Saumur. Je vais aussi à peu près tous les ans dans un salon du livre et du vin. OK. Que je suis dans le jury d'un des... Bon, vous êtes impliqué dans plein d'initiatives. Oui, ben, toujours, c'est bien. Oui, non, c'est mais, bien, mais, c'est, mais bien. C'est pas juste le théâtre. C'est bien. Je parraine aussi une maladie rare, qui est une maladie, je ne sais pas si au Québec vous avez cette maladie, qui s'appelle Adam Stress, je suis un des parrains de cette maladie. Et c'est des gens qui ont... C'est une maladie, quand ils sont en crise, ben, je ne sais pas exactement comment on dit, mais il faut complètement, rapidement leur changer tout le sang. Par mais pourquoi exemple, cette implication-là pour cette maladie-là? Ben, parce que c'est des gens qui sont venus extrêmement gentiment et convaincants me voir. Et j'étais, bon, je parraine aussi des choses autour du sida, bien évidemment, de temps en temps. Enfin, je suis un peu actif sur différentes choses. Et pas, social, et niveau... pas seulement le pinard. Non, mais au niveau social, vous êtes un être très... Mais c'est ma politique. Moi, je n'appartiens à aucun mouvement politique, mais ma politique, elle est de faire des choses un petit peu discrètement, efficacement de temps en temps, pour que les choses avancent un peu pour les uns et pour les autres. Ah oui. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils n'aiment pas. À la radio, on peut encore rire. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je ne sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon roi. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique. Il faut que ça détruise tout et que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, là, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Et là, plus tu vois de visu l'errant, plus tu te dis, et cette instabilité, oui, cette instabilité oculaire qui me frustre l'œil. Oui, peut-être. Alors, on sait vous pas. Vous voyez ça de même, vous? Ben, il faudrait lui demander. Mais ça me semble que oui. Puis ça me dérange peut-être un peu. Puis j'ai même pas dit que... Hey, toutes les feuilles sont mêlées, M. Tremblay. Est-ce normal? Vous êtes... M. Tremblay, on vous a demandé depuis tant d'années de vous occuper uniquement des feuilles, les classer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque j'arrive devant la 7e, ça tombe à 12. Hey, je suis surmené. T'es surmené. Je suis surmené. Vous êtes surmené. Excusez-moi, je vous ai tutoyé et vous voyez par la suite. Dois-je faire un tutoiement ou un vouvoiement? Attendez, est-ce que je peux réfléchir? Non, on n'a pas le temps, on peut pas réfléchir ici. Oh, mais non! OK. Alors, vous ne voyez pas que les chiffres ne se suivent pas? Qu'êtes-vous devenu, mon cher? Que suis-je devenu, moi, ce frère, moi, qui n'a rien compris à la numérisation de ce monde cartésien? Dis-moi, Juliette, dis-moi, qui suis-je devenu? Moi qui dis 1 plus 1 égale 3. Et George Orwell me dit aussi, et vous les autres, dans vos prières, vous doutez de mes indécisions. Et monsieur, ce n'était qu'une larme de parler dans les institutions. Moi, je fais. Et monsieur, et nous vivrons un grand amour, et vous vivrez un grand amour. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un passage. OK, il s'est passé un passage. Ben oui. Les soirs d'automne, de printemps, d'hiver et de printemps se frayaient. Un sentier est aussi enrichissant que parcourir quelques infinités dans le firmament. Eh, monsieur, on va lâcher ça. Monsieur, lâcher quoi? Parce que je voulais enchaîner avec ma main. Monsieur le Président, oui. Il est là. Messieurs les patrons catholiques, il y a eu un mariage de la royauté la semaine dernière. J'ai moins que de la misère à trôner plus qu'une minute. dans le cabinet d'effervescence. c'est une grande fête. Là, je rentre là-dedans, puis tout, tout, tout, tout, tout, tout, vive le titi, la saucisse, vive le coucou, mais plus, pas plus qu'une minute. Moi, le party, ça ne dure qu'une minute. Et ça devient comme ça. Et eux, mais eux, c'est pas ça. C'est des petits babayes. Babaye, la dame. Babaye, monsieur qui a l'air d'une madame. Madame a l'air d'un monsieur. Non, la madame a l'air d'une madame, mais le monsieur a l'air d'un... D'un... Monsieur les présidents. Monsieur les... Et puis, ce qui m'a dérangé, c'est que 2 milliards de personnes ont regardé trôner la royauté. Ça fait de la publicité, ça. Les gens vont plus à l'église, ils regardent les princesses et les princes. Là, c'est ça vient dans l'inconscient collectif. L'inconscient, c'est quoi un inconscient? C'est des gens qui ne savent pas, mais qui... Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira... moi, je partage mon ensemble de salon, mon ensemble à coucher, ma fille, je te laisse l'autre fille, elle vaut pas la peine, tu seras pas capable de la... Elle est partie avec son copain, puis oh mon doux, là, c'est la villégiature, comment? Oh oui, 16 ans, cette petite fille-là, là, puis elle va pas revenir, là. Hey, son copain est 33, là, ça fait bizarre, hein? 33, puis notre petite fille, là, puis je te la laisse, là, tu iras courir où elle veut bien t'amener, puis lorsqu'elle va te dire, « Maman, viens-tu me chercher? » Hey, si c'est un Honolulu, là, tu iras à Honolulu, puis pas mes frères, ouais, je te la laisse, la vie. Et puis, à part ça, ben, je prends le petit caniche, parce que moi, j'aime ça, le petit caniche, hein? Le petit caniche, il est gentil, il fait la belle, puis... Et puis, j'allais dire autre chose, mais je peux pas! Je vais recevoir des courriels! Jour charnière pour notre espèce, après des décennies de tests, la science accouche du comprimé qui dispensera les hommes de chier. Regardez cette marée humaine, tous affluent, tripping, tous en prennent, l'espoir embrase toutes les nations, il n'y aura plus d'effécation. Requiem pour la merde, requiem pour la merde. Poudre brune frappait sans distinction aucune. Même les femmes les plus belles subissaient l'outrage des selles. Comment une si abjecte fange osait-elle couler de ses anges? J'applaudis la fin de l'insulte. L'infâme est écrasée. J'exulte! Requiem pour la mort. Requiem pour la mort. Fini le martyr séculaire qui faisait s'accroupir nos pères, couverts de honte, baignés de sueur, dans les bouches et la puanteur. Les hommes qui demain nous suivront, incrédules se demanderont, comment faisaient-ils nos ancêtres vraiment. Voici qu'arrivent les dignitaires de tous les pays de la terre. Voici les cloches qui sonnent le glas et les porteurs qui portent le top. Le fossoyeur recouvre de terre le dernier étron de l'histoire. On ne verra plus un homme qui chie, la race humaine est affranchie. Requiem pour la mort. Requiem pour la mort. Requiem pour la mort. Requiem pour la mort. La tête haute, enfin nous voilà. Plus suave que les nymphes des bois, et plus léger que les outardes. Requiem pour la marde. Au mois de janvier, je vais répéter une autre pièce que je vais jouer avec Jean-Paul Faré, que va monter Georges Lavelli, une pièce de Victor Haïm, et je vais être à De Jazé. Et De Jazé est un théâtre privé. Okay. Donc là, toute la différence, il y a un producteur, c'est lui qu'il faut qu'il trouve l'argent pour le décor, pour les costumes, pour nous payer, pour la publicité. Il n'y a pas de subvention. Donc les places vont être bien évidemment un petit peu plus chères qu'à théâtre ouvert, hein, parce qu'il va falloir rentrer dans le budget, quoi. Alors il y a de moins en moins de théâtres privés ou les théâtres non, il y a des théâtres privés, mais y a les gens vont quand même au théâtre, et même en temps de crise, les gens sortent et vont au théâtre. Mais il y a toute le vrai problème de diminution de subvention, c'est qu'il y a toute une nappe de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas se payer le théâtre privé. Donc ils vont au théâtre public, où c'est moins cher, sauf que si les subventions disparaissent, le théâtre public, lui, va finir par disparaître. Alors, ce qu'il faut... Le théâtre privé, il va continuer, il y a de l'argent. Hein, en fait, le public doit être beaucoup plus accessible à tout le monde, tandis que le privé est plus audacieux. En même temps, s'il est trop audacieux, il attirera personne. La loi, là, n'est... Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, parce que le théâtre public se doit d'être audacieux, aussi, et pas uniquement accessible, mais audacieux, et justement les subventions servent à ça, à montrer un théâtre un peu plus difficile, peut-être parfois, mais ça peut être un théâtre plaisant aussi. Et le théâtre privé se doit d'être audacieux aussi, et pas uniquement. Alors il y a du théâtre comique, il y a du théâtre, mais nous par exemple la pièce que l'on va faire est une pièce très drôle, mais en même temps qui est un grand auteur contemporain qui est Victor Haïm, et qui raconte des choses vraiment très très, très intéressantes, quoi. Donc il n'y a pas de loi du succès. La seule différence, c'est le prix des places. Hein. Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui se lève tôt, rien. Chez le comptable à son bureau, rien. Chez le plombier qui se penche la tête dans la cuvette blanche pour y réparer la clanche, rien. Chez le coureur olympique, chez le vieillard arthritique, chez l'expert en mécanique, rien. Chez la danseuse de ballet, la fille qui est au guichet et celle qui déchire les billets, rien. Chez la bibliothécaire qui remet le dictionnaire sur la troisième étagère, rien, rien, rien. Dans la maison qui sommeille, rien. Chez le gardien de nuit qui veille, rien. Et la gorge qui se noue quand on pense qu'au fond de nous et qu'au bout de tout il n'y a rien. Thank you.

chien à la récale. Le monde est ainsi pâle. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la C'était une chanson. Merci. C'était une chanson qui s'appelait, qui s'appelle toujours et qui s'appellera toujours d'ailleurs. Les derniers seront toujours les premiers. Ben quoi, vraiment, merci de l'enthousiasme. Pour les paroles du Christ, hein, quand même. Oui, ça vient de l'Évangile, ben j'y suis pour rien. Pourquoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins, à se prendre la tête. Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend ? Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. de façon générale et très globalement. En définitive, mais qu'est-ce qu'on attend pour se faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Ça va, Calmons ? Oh ! Ouh ! Il est chaud ce soir ou pas ? T'enlèves un zomblou, putain, voir la réaction ! Vous êtes hot ! Anti ! Anti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hot ! Ouais, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien, bien, bien, bien, mal, mal, mal, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal. Ouais, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je me sens bien, je me sens mal, je me sens mal, je me sens bien, je. Hey, depuis 3 semaines, là, vous êtes abondamment excités, j'aime bien ça. Rénal Québec à commercial@hotmail.com. Continuez à vous exciter le tympan et surtout le digital. Hein. Activez-vous sur le clavier, là. Ça me fait plaisir, moi. J'ai eu plus d'insultes que de remerciements, mais quoique j'aime bien les insultes, moi. Ça me fait grandir, les insultes. Moi, les gens qui... Oh, j'ai dit... Oh, puis les remerciements... Saviez-vous que François Truffaut... Et qui? François Truffaut. Je connais François Étoffé. Oui, il était très étoffé, le Truffaut. Et lui, là, avant de faire du cinéma, avant d'être le grand... Le grand quoi? Ben, le grand quoi? François Truffaut. Et le grand chanteur. Réalisateur. Comédien aussi. OK. Alors donc, pour tous les incultes là, qui savent pas qui est Steven Spielberg, le grand crétin du cinéma américain qui a rien fait grandir, sauf quelques films, très peu, deux à mon avis, deux films, a laissé François Truffaut s'exhiber dans son œuvre la plus exceptionnelle qui s'appelle... La rencontre du troisième type. François Truffaut joue dans ce film-là. Il fait un certain savant. Puis là, mais là, les gens disent, c'est qui le mec là-bas? Là? Ben, c'est François Truffaut. Il a fait toute sa carrière en France. Il a été dans les cahiers du cinéma avec Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, tout ce monde-là, malheureusement, à part Godard. Godard tient bien la barre, le Godard. Je l'aime, Godard. Godard ne quitte pas. Ne me quitte pas, Godard. Ne me quitte pas. Laisse-moi te lancer des mots insensés. Arrête pas de créer, reste cet homme-là, aussi singulier et actif. Et fais-nous repenser, réfléchir, pas penser à réfléchir à toute cette aventure cinématographique, cinématographique qui existe depuis 1889. Ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas, Jean-Luc. Ne nous quitte pas. Jean-Luc, c'est JLP. Non, c'est, non, mais non, Jean-Luc, c'est JLG. JLG pour J'ai longtemps grandi. Oui, mais c'est aussi Jean-Luc Godard. Mais dans Jean-Luc Godard, j'ai aussi J'ai longtemps grandi pour devenir Jean-Luc Godard. Puis là, il y a des insignifiants qui connaissent rien du 7e art, puis qui essayent de faire de l'abstraction cinématographique et qui nous amènent de la... l'insignifiance oculaire et auditive. Tandis que Godard connaissait les codes. Pour déstructurer, il faut connaître. Pour, à un moment donné, en arriver à cette aliénation de la connaissance et de la déstructuration de la connaissance. Oh, mon Dieu! Hey, là, philosophe... Ça fallait, il est quelle heure, là? Ça fallait, ça fait, il est minuit, ça fallait, c'est ce que j'appelle, monsieur le président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Hey, c'est quelle émission qu'on écoute là, là? Hey, merci à CKRL de m'émettre. Merci, hein? À quoi bon? Il faut le dire, dis-le souvent, toi, là. Je devrais avoir une bande. Pour bander. Non, une bande magnétique. OK, j'ai eu peur, voilà, parce qu'on sait que pendant 2 heures, tu y crois, toi, là. T'es excité, là. Tu prends le bal combat, oui, monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres. Diégétique. Excusez-moi, j'ai eu une diégèse. Pas vraiment une diégèse! Pour tous les étudiants en cinéma, connaissent pas la diégèse. Moi, je vais vous le dire. Puis même au peuple en général, qui connaît, vous connaissez pas, là. Vous regardez un film noir et blanc, vous dites, hey, c'est vieux, cela, là. Ça peut être en 2011. On peut exploiter un certain charisme des films anciens. On peut envelopper un propos en noir et blanc, là. C'est pas un vieux film, là, le noir et blanc, là. Ça peut être volontaire. Comme disait Alain Bachung. Tonight, hey, that's what I meant to say, or do something, but I never say. Qu'est-ce que vous allez reprendre? C'est presque une comédie musicale, puisqu'il y a de la musique. Non, non, c'est pas une comédie musicale. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est, ouais. C'est un duo avec voix, musique. Mais c'est. Mais oui, comment vous classez ça? C'est une pièce de théâtre ou si c'est une pièce de théâtre? Non, c'est une pièce de théâtre. Okay. Hein. Mais c'est une pièce de théâtre avec un musicien. Okay. Voilà. Et lui improvise de son côté? Non, non, il n'improvise pas du tout. Okay. Il a écrit une partition, une très belle musique, okay. Qui est très, très précise dedans. Alors, c'est mieux d'avoir un musicien qu'une bande-son, comme Léo Ferré. Ah, ben c'est mieux, oui. Mais il n'y a pas photo, là. Non, mais c'est plus humaniste, surtout. Hein. C'est beaucoup plus près et respectueux. Non, mais là, il n'y a pas photo, oui. Non. Il vaut mieux avoir un musicien. Mais le problème d'avoir des musiciens sur une scène, il faut les payer. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, il y a certains spectacles, même des comédies musicales, où il y a une bande-son. Et que c'est toujours mieux quand il y a des musiciens sur scène. D'abord, ça les fait travailler. Et puis, en plus, c'est beaucoup plus vivant. Oui, puis, ouais, effectivement, c'est au moment où ça se passe. Tandis qu'une trame sonore, ben, ça reste une trame sonore. Donc, elle revient toujours et il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de. Alors, en revanche, moi, au cours des années, j'ai fait différents tours de chant avec des musiciens. J'ai eu 5 musiciens, des choristes. Et à un moment, je n'avais plus le musicien, pas les moyens de payer à avec. Non, j'ai fait avec une bande. Oh, ok. Mais ça m'a. Bon, c'était une expérience qui m'a énormément servi, parce que j'étais obligé d'être extrêmement rigoureux, parce que la bande, elle bouge pas. Elle peut pas répondre. Non, donc ça m'a au moins servi à ça, au okay. moment où j'ai fait ça. À la synchronisation. À être vraiment sur la musique, et vraiment d'être dans le tempo, quoi. Est-ce que c'est difficile pour un comédien d'être chanteur? Oui, c'est difficile. Croyez-vous que c'est plus difficile l'inverse? C'est d'autant... je sais pas, je ne peux pas dire l'inverse, je ne connais pas.

Vas-y, mets ta moustache! Enlève ta moustache. Vas-y, mets ta moustache. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Dire, donc on n'a pas de coulisses, on n'a pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était bon, là. Oh mon Dieu, c'était brillant, là. Mais je m'en souviens plus. L'absurde, oh, on n'a pas le. Est-ce qu'on peut appeler la. Bon, on va l'appeler. Coulisse! Elle est pas louche. Coulisse! Elle coulisse pas. Tu coulisses pas, coulisse! Coulisse! Coulisse! M'entends-tu, coulisse? Elle coule pas, la coulisse. Bon, OK. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne sur voie l'instant. Écrivez-moi, là, à Rénal Québec, à commencer le mois de mai. Et, comment crois-tu qu'ils vont t'écrire? T'as dit, à commencer le mois de mai. Ben, faites n'importe quoi, là. Ça va communiquer avec moi. C'est comme des vases résonnants, des vases qui se réservent une communication intrinsèque avec l'errant rénaldien. Vous pouvez m'écrire, hein. Non, on peut m'écrire, mais m'appeler. Écrire, t'appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites rien. Rendormez-vous. Comme d'habitude, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi. Hey, on n'est pas le 6 mai? Oui, 6 mai, vendredi 6 mai. On est le 6 mai. Pourquoi tu m'as fait douter? Parce que je vais me faire douter le pep, c'est, ça prend pas grand-chose. Tu dis, hey, promis, sommes-nous le 6 mai? Là, l'individu dit, ben, hey, je sais pas, peut-être pas. Là, mais, ah, mon Dieu. M'entends-tu? Oui! Oui. Tombé au fond du micro. Attendez, là. Monsieur, restez pas, restez dans le fond, restez là, on veut vous entendre. Êtes-vous là? Monsieur. Bon. Il est parti, il est pas là. Non, mais j'ai regardé par en arrière, puis par-dessous. Aujourd'hui, on va l'entendre, je vous le dis, là, on va le capter jusqu'à la fin, parce qu'on va terminer ça là. Là, et très bientôt. Aujourd'hui, le vendredi 6 mai 2011, les errances grenadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises avant de direction. Hé, hey, monsieur, ça c'est la... On gesticule, hein? M'entends-tu? Oublie... Oui. Je suis tombé dans le... au fond oui. du micro. Là. OK. Monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? J'ai l'animateur ici, là. C'est, comment tu t'appelles? Ben, c'est moi, là. C'est, qui êtes-vous? Ben, je suis moi, OK? Et j'ai la coordonnatrice, là, Lucienne Franqueur. Ah, mon Dieu, c'est moi, ça, là. Serons-nous capables de vous déloger? Puis mon attaché de presse, qui se détache toujours de la presse, la douce et sulfureuse Milena Solfara. Salut, Milena. Elle ronronne, hein? Oui, monsieur. Hey, monsieur, attendez. Oui, alors, monsieur. Sortez-moi de là, bon Dieu. Mais, premièrement, là. Non, arrête de dire le premièrement. Non, mais je ne l'ai pas dit souvent, cela, là. On aimerait bien, là, mais dites-nous où vous êtes. M'entends-tu? Oui. Je suis tombé au fond du micro, là. OK. On arrive. Bon, Jean-Luc. Sortez-moi de là, bon Dieu. Oui, est-ce que tu peux descendre? L'émission est terminée, monsieur. On arrive. Monsieur. Il y a quelqu'un, là? Oui. Mais on essaie de descendre, mais on ne sait pas si. Il y a des sans-descendre. C'est pas des sans-descendre, c'est des sans-descendre. Oh, il y a des sans-descendre, monsieur. Oui, monsieur. On sait pas vrai. Non, on est ici, là. On est présent. Ben, présent. On est. Sommes-nous présents d'esprit, monsieur Tremblay? Ben, pas vraiment, là. Moi, premièrement, l'écho nous amène pas trop de. Ça nous aide pas, là. Eh, monsieur, alors on. Ben, on laisse pas tomber, mais on n'entend pas. Monsieur, on vous entend plus. Êtes-vous perdu? Bon, il est comme l'oiseau. Alors, laissons sur la chaussée, on l'a dit. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons sous les projecteurs pendant quelques errances rénaldiennes ce comédien des plus exceptionnels. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite à 4 reprises avec Yves Boisset. Les années 90, monsieur, les années, oui, ça passe vite, hein? Très vite avec vous. Les années 90 et une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marquent un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des Enfants Perdus en 94, on le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenant à ses premières amours travesties, il endosse en 2009 le rôle de Jean-Pierre dans « Jean-Pierre dans le mardi à Monoprix » d'Emmanuel Darly, qui est mon ami depuis quelque temps. Voyons donc, tu fais des liaisons. Je fais des liaisons rapides, moi là. Oh, mon doute est un rapide. Ça dépend. Nous le rencontrerons en 2012 dans l'errance rénaldienne. Je partirai à Paris dans quelques semaines pour voir des artistes, dont Emmanuel Darly. Alors donc, Jean-Claude Dreyfus se démontre encore une fois l'éventail de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à milieu de lui. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée et en avant. Yes, I met her on a Monday. Do do do run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run run on Thursday. Left again on Thursday. She left again on Thursday. Run, run, run. Vous connaissez des chanteurs qui sont devenus comédiens? Bien sûr, bah Bachung, oui. Bachung dans le Petit Curieux, que oui, oui. Il a fait beaucoup de films. Oui. En tant que comédien, il était formidable. Mais il faisait son propre rôle à chaque fois, un homme assez... Non, assez... non, bah là, il faisait un commissaire de police. Oui. C'est pas son étrange, propre rôle dans les chansons. Ouais. Mais la difficulté pour un acteur d'aller vers la chanson est que moi, par exemple, pour moi, je ne suis pas musicien. Je ne lis pas les notes, je ne lis pas une partition. J'entends bien, j'entends juste. Vous avez l'oreille. J'ai l'oreille, je veux chanter juste, mais il me faut répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à rentrer. Vous savez, c'est toujours une espèce de chose qui a toujours fait rire les musiciens avec moi, c'est que c'est pas compliqué. C'est vous chantez dans une chanson, vous chantez avant le temps, ouais. Sur le temps ou après le temps. Ouais, ouais, quand c'est avant le temps, c'est moi qui commence. Quand c'est après le temps, je sais où le temps, je l'entends et je vais après. Quand c'est sur le temps, c'est plus compliqué. Oui, oui, c'est vrai, voilà. Parce que tu t'en rends pas compte parce que tu es déjà sur le même son. Voilà, donc, mais avec le travail, moi j'ai beaucoup travaillé avec une dame que j'adore et qui m'a beaucoup appris. Et qui m'a donné conscience et confiance en moi, c'est Armand Altaï, avec qui j'ai travaillé pas mal de fois, et qui m'a apporté énormément musicalement, qui me donne beaucoup plus de confiance. Et lorsque vous travaillez avec les jeunes comédiens, croyez-vous qu'ils sont dans la même mouvance que vous, ou si c'est tout autre chose, si c'est... Ben, c'est toujours autre chose avec les vieux ou les jeunes, hein, de toute façon. Ouais, okay. Les gens avec qu'on fréquente, c'est jamais pareil. C'est ouais. Un peu la richesse de ce qu'on peut rencontrer quand même. So far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. To go, I don't know, she would. couldn't see. I see something wrong now. I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday. Dub some cellos on. Va prendre tes gouttes, Betty Boop griseuse. La vie au mois d'août est bien dangereuse. Tout l'après-midi, il faut se garer. Du soleil maudit, du ciel enragé. La mer, la soupe rouge et bleu, pétard d'enfer déploie ses attraits. Les cocos huileux se vautrent sur elle et ses choux graisseux au lit du bordel. Et bien dangereuse. Betty, enfermée dans son pauvre abri, les volets tirés restent dans son lit. Son brêle machonne, son chewing-gum éteint, puis elle se donne un plaisir divin. Ensuite, elle fume 25 cigarettes. Matant ses costumes, ses rouges jupettes. Va prendre tes gouttes, petit bouc criseuse. La vie au mois d'août est bien dangereuse. Va se pavaner, buvant dans les bars, les lèvres karma, la mignonne part en Java sans phare. Pour se consoler, comprenez maman. Les jeunes, souvent, ils se grattent l'oreille au lieu de faire ça. Alors, je dis pour le je me gratte tout simplement et bêtement l'oreille en prenant mon bras droit et en grattant mon oreille droite. Ouais, parce qu'elle s'en va à la radio, non ? Voilà. Mais souvent, les jeunes comédiens, ils prennent leur bras droit et vont se gratter l'oreille gauche en faisant comme ah, ça. Oui, okay, ouais. Donc, ils se compliquent beaucoup la vie. Ils se compliquent la vie. Et souvent, il faut arriver à ce que... J'ai fait quelques mises en scène avec des jeunes comédiens et comédiennes. Et ce que j'essaie de faire dans les mises en scène que j'ai fait, c'est de leur donner la liberté, dans le carcan, encore une fois, hein, de leur donner la liberté. Mais de leur donner la liberté à des jeunes, parfois, c'est très délicat et douloureux, parce qu'ils n'arrivent pas à la prendre. l'apprendre. Ils n'arrivent pas à l'apprendre. Ce qui fait que, voilà, ce qu'il faut, c'est les décontracter, leur dire que, leur faire comprendre que, qu'il faut qu'ils s'emparent de la pièce, qu'ils s'emparent du rôle, et que le metteur en scène n'est là que pour donner, drainer, diriger une unité. Donner une unité à l'œuvre, à l'œuvre, à un auteur, à une option que l'on a de mise en scène. Mais à l'intérieur de ça, de se servir de la personnalité de chacun. Je veux dire, et de ne pas être des marionnettes. Effectivement. Puis, est-ce que vous sentez que la jeunesse s'en va dans une mouvance qui est intéressante, ou au contraire? Oh ben, y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont très jeunes et qui sont vraiment pleins d'inventions, d'initiatives. Et puis, bon, de toute époque. Malheureusement, je crois que pour la jeunesse, puisque vous me parlez de la jeunesse, pour elle, la jeunesse, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'avant. Nous, on était dans l'insouciance. On était dans le... L'argent n'était pas notre préoccupation. Tu es à moi. Je ne suis pas à toi. Pourquoi? C'est bien dommage. Et c'est comme ça. Tu es à moi. J'aime tes bras, j'aime ta voix et ton thorax. Odeur de chat. Tu es à moi. Je suis sans foi ni loi. Je n'aime pas la bague au doigt. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi. Alibaba de Mardi Gras. Mais tu n'es pas Allah le roi. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Tu es à moi, etc. Moi, je ne suis pas à toi, pourquoi? C'est bien dommage. Et c'est comme ça. Thank you. là, ici, maintenant. Je voulais vous lire un de mes textes, mais lorsque je t'observe, j'y vois la mer, ou cet océan calme qui proclame sur l'eau l'éblouissement naturel de ta beauté absolue. Lorsque je t'observe, j'aime te voir me regarder ou sourire à ma spontanéité, mon volcan qui te semble épuisant à force de jaillir. Lorsque je t'observe, je nous aime. Tu l'as déjà dit, ça? Ben oui, c'est un texte qui m'a été remis par Sylvie La Ritournelle. OK, tu... Non, je vais pas dire Sylvie qui. Sylvie qui? Sylvie La Ritournelle. OK, mais non, mais c'est Sylvie. Sylvie La Ritournelle, pas Sylvie Don. Sylvie La Ritournelle, Ritournelle, Ritournelle. Ritournelle, toi qui en haut de l'échelle cherche à me tirer des œufs à volonté. Vous voyez ça de même, vous? Pardon? Vous qui vivez... Dans... Vous voyez ça de même, vous? Ben là, c'est pas moi qui vois ça de même, là. C'est elle qui me tire des œufs, là. Les œufs sont faits pour ceux qui n'aiment pas le jaune. Non, c'est le blanc. Le blanc. Le blanc du jaune. Le blanc du jaune. Oh, dans le blanc, il y a du jaune. Dans le blanc, il y a du jaune. Le jaune est dans le bleu. Le blanc est dans le blanc. Le blanc est dans le long. Le long, la coquille. Coquille est dans l'œuf. L'œuf est dans la peau. La peau est dans le rectum. Le rectum est dans la peau. Hey! Attends un peu. Poupoule est dans le rectum. Poupoule. Poupoule. Poupoule. Comment ça va, poupoule? Ah, moi, ça va bien. Hey, je suis très content que tu me nommes ce soir. Ben, Poupoule, on va te laisser une petite place parce que t'es pas toujours... Non, mais je suis pas toujours en poupoulé, là, mais maintenant, je me sens à Poupoule. Oh, monsieur, on peut passer à notre... Non, non. À Poupoule, comment tu vas? Ben, je vais comme à Poupoule. Oh, alors donc, je vais empouler d'autres circonstances à travers ces mots. OK, allez-y. Alors, si sa sensibilité frôle la fleur sauvage, que de rage sûre de sourire... Avez-vous sucié, monsieur? Allez la poupoule, OK. Si sa sensibilité frôle la fleur sauvage, que de rage sur ce soupir... Sourire ou soupir? Sourire. Est-ce qu'un sourire est tout aussi important qu'un soupir? Là, il faut y réfléchir, là. T'as-tu un crayon, un papier? Nous avons des crayons et papiers. Nous avons des réflexions et des pensées. OK, alors donc, on y va. Je crois que oui. OK, mais c'est bien, ça. C'est bon. Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps. Tu l'as pas terminé ton texte, mais non. Si sa sensibilité frôle la fleur sauvage, que de rage sur ce soupir, que de faveur sous cette fauve... Et ça, c'est des projections, ça, là. Oh, on aime ça de même. Nouveauté, nouveauté! On aime ça de même, nous autres. Oh, mon Dieu, on est des gens là, qui cherchent l'entre-gens. Oh, les gens qui cherchent l'entre-gens sont-ils ici? Ben oui, on a dit qu'on est des gens qui cherchons l'entre-gens. Oh! Alors, nouveauté, nouveauté! Ben, bien sûr, bienvenue, merci. Vous êtes Jean qui cherchez l'entre-gens. OK. Alors donc, nouveauté, nous, on le dit trois fois, OK, sort de ce corps. Oui, cet atelier d'improvisation... Entendu? Oui! Je suis tombé au fond du micro, là. OK, écoutez, on a ici le monsieur, on vous entend, vous êtes dans le fond du micro. Êtes-vous aussi dans le fond du bas, là? C'est pas... Oui? Bon. Sortez-moi de là, bon Dieu, mais... OK. L'émission est terminée, moi, je suis resté dedans. Ben non, premièrement, l'émission n'est pas terminée. Alors, on vous demanderait de remonter à la surface, en dehors du micro. On pourrait peut-être faire une rencontre, là. Un interview, comment on dit? L'entrevue, on voit double, l'entrevue. On voit pas double. Comment ça, tu dis l'entre... Ben, on voit... non, l'entre... Entrevue, c'est quoi? Entre... Double vue. W. W. I. We. W. I am a saint to you. I am a W. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- je suis un je suis donc je suis. Allô, dans les swings, le swing, le swing. Hey, monsieur. Merci à Sécarelle de me diffuser. Hey, ça, c'est comme à l'église, hein? Merci Jésus de nous aimer. Moi, c'est merci de ces KRL de m'émettre. Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps. Ben, merci, merci. Quoi de sortir de ce corps? Non, à ces KRL de t'émettre. Ben, en fait, oui. Sort de ce corps. Et là, il y a un comité qui est dans le comité, hein. C'est comme, Zachary Richard, là, mais dans ses feuilles. Le comité, dans le comité, comité. Non, mais comité, comité, tonté. Parce que là, arrête de rire, t'es un innocent. Ben oui, mais le rire amène l'innocence. Ah ben là, on peut dire que c'est une émission très innocente. Innocente. Alors donc, elle n'a pas de peur à procurer à personne. Comment ça? Ben puisqu'elle est, elle est innocente. Oh, ben quoi que, je crois que... Non, tu m'as dit que... Ben oui, je t'ai dit... Je dis souvent que, mais il y a les... Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps, mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui. Ah, non, pas encore. Je ne vais pas contacter, mais on va contacter. Nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec... Peut-être une petite chanson. On a le Beauvril, on a-tu quelque chose? M'entends-tu? Oui! Hey, c'est la... Oh, c'est la communication. Non, non. C'est Charlie Chaplin. Hey, monsieur. Charlie Chaplin. On peut dire que, avant de rentrer en communication avec ce grand réalisateur, comédien, homme de théâtre, enfin, il regardait son père faire du théâtre, que c'est pas facile de faire du muet à la radio. Mais Errance Reynaldienne tentera l'intentable. Comment? Tu tenteras l'intentable? Vous voyez ça de même, vous. Ben oui, ben je vois ça de même. Mais Charlie Chaplin, comment tu vois ça, toi, là? Premièrement, on n'est même pas connu. On sait même pas s'il va rentrer, lui, là. Charlie! T'as-tu le numéro de Charlie Chaplin? On l'a pas à soir. On lui a dit, madame, on va parler. On est le 6 mai, puis... Attends, mais Charlie! Et Seigneur, Charlie a parlé de l'intentable. Hey, moi, j'aime pas ça, là. J'ai une incommunication, là. Charlie, ben, arrête-toi là! On va rentrer, Charlie! Premièrement, faut pas être vulgaire, OK? Charlie, si tu nous entends, là, tu frappes un coup. Il frappe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il frappe pas. L'émission, on arrête l'émission, là. C'était Errance Reynaldienne. Merci. Non, non, on peut pas. Charlie? On peut si on veut, là. Charlie Chaplin, tu nous entends si tu nous entends, frappe un coup. Ouais, non, ouais, on le fait, tu as appelé Charlie Chaplin, bon. Ça va bien, mon Charlie? Si ça va bien, mon Charlie, frappe un coup. Hey, monsieur, hein? Ah, ça marche-tu, Charlie? Ouais, monsieur. Charlie, ça va bien? Bravo. Hey, Charlie, moi, j'aimerais te dire, là, bravo pour ton cinéma muet. T'es un être passablement... intéressant, autant dans ta vie cinématographique que ta vie privée, là, mon Charlie. Là. Savais-tu que mon Johnny Muet, que oui, il sait, monsieur. Hey, j'ai même pas fini, puis il sait. Hey, il est fort, là. Très fort. Hey, Charlie, t'es-tu sur la... Oui, monsieur. Avec qui tu te... Hey, c'est sérieux, on a peur, là. Ayez pas peur. Ayez pas peur, Madame Tremblay, fermez pas votre radio. Monsieur Thibodeau, tout est sous contrôle. La radiophonie n'entrera pas en communication avec les esprits. Les esprits sont ici devant moi. Devant moi, je suis concentré devant eux. Vous m'entendez, Charlie Chaplin? Hey, je vous vois, Charlie, maintenant. Moi qui étais, dans quelques secondes, un ami, un grand ami, on allait déboucher une bière, hein, Charlie? Un petit débouché? Non, on peut pas, OK. Charlie? T'as fait du cinéma? Oui, t'es un homme de théâtre. En fait, non, hein. Si c'est non, fais deux coups. OK, je l'aide, hein. Si t'es lourd, fais deux coups. Fais deux coups. Fais deux coups. Si Charlie, fais deux coups. Charlie! C'est facile, hein, avec Charlie Chaplin. Mais, non, mais... Vous voyez ça de même, vous. Ben, c'est pas moi, ça, c'est Charlie. Charlie, est-ce que, comme dans la chanson... Charlie be good, oh, oh, oh, oh, Charlie be good, oh, oh, oh, Charlie be good, doute. J'entends le doute. J'entends le doute, que Charlie be good, doute. N'était pas l'outre. Charlie, tu m'entends? Bon... Premier, je dis même pas deux coups, il me frappe, il dit « Ah ouais, donc, on y va. » Hey, tu payes-tu? Payes-tu? Parce que là, ça me coûte 253 $ là, pour ta rencontre avec Claude Dollars. Là, j'ai plus de maudite scène. Là. Moi, on m'a demandé de faire des rencontres, mais on m'a pas dit que je pouvais payer. Puis je peux pas payer. Peux-tu payer, Charlie? Si oui, tu ferais pas un coup, là. Hey, tabarnak. Hey, Charlie! Tabarnak. Hey, Charlie! Mon est! Hey, Charlie, t'es un ange, toi, Charlie. Frappe un coup. Bon. Tu peux pas payer, toi, Charlie. Si tu peux payer, fais un coup. Hey, fais un coup, mon chat, mon tab. Charlie, mon ami. Et Rensonaldienne, Charlie, tu m'entends? Bon. Tu peux payer tout ce qui nous entoure de... Parce que là, rentrer en communication avec Claude Dollars, ça coûte cher. Puis là... Mon cellulaire ne pouvait pas le faire. Donc, j'ai rentré la puce, une nouvelle puce. Une puce qui s'appelle la puce de... Je peux pas le dire ici en public. Est-ce qu'on peut, Madame Tremblay? Oui, non, on peut pas. Mais oui, mais c'est... il faut divulguer. OK, on va divulguer, là. C'est une puce intersidérale. Comment? Intersidérale. Comment? Intersidéral. T'as dit rénal. Ben oui, intersidéral, sidéral. Rénal, on lui a dit, mets une puce intersidérale. Puis là, ça coûte très cher, ça, là. Hé, hey, mon ami, ben, je suis même plus certain si c'est mon ami, là. Charlie, tu m'entends? Il m'entend plus quand il faut payer. Le monde ne nous entend plus quand il faut payer. Hein? C'est qui, ce monde-là? Hé, hey, pas trop longtemps, hein? Hein? Ah oui! Ah oui! Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi! Et patati et patata, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol! J'en ai marre de mon nez, j'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais! Mon nez, mes mains, mes couilles qui me suivent partout où je vais! Par-ci, par-là, par-là, par-ci, par-ci, par-là, par-là, par-ci! J'en ai marre de mes cheveux, de mes oreilles, de mes pieds, de mes bras, de mon anus, de mon ventre et de mes poils! Ils me suivent partout où je vais, dans la rue, dans le métro, dans mon appartement! Tout le temps, partout, partout, tout le temps, tout le temps, partout, partout, tout le temps, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Allô, chérie, je t'entends pas. Allô, chérie, t'es toujours là. Ouais, j'ai besoin de toi quand je suis comme ça. Patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Vas-y, Valota, vas-y, Valota, vas-y, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, j'attends. Regardez danser les gens. Moi, je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. Ouais. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation. Les mécaniciens, les chômeurs, j'attends. Regardez danser les gens. Et de temps en temps, je coupe le son. Et je remets le son. Non? Et je remets le son! Open. Et aujourd'hui, elle devient la préoccupation première, ce qui fait tout le drame de la vie et de la jeunesse d'aujourd'hui, d'où la difficulté plus grande pour des jeunes de... Je veux dire, quand vous tournez un film aujourd'hui, ça vaut mieux que le comédien, que l'acteur soit rapide et qu'on ne recommence pas trois fois la séquence à cause de lui. Si ça, c'est à cause de la technique, c'est une autre histoire. Et que comme il y a moins d'argent, et en tout cas, il y a moins d'argent en apparence, et que tout le monde est en état de crise, soi-disant, il faut faire vite, ce qui fait que il faut y aller, quoi. Avant, lorsqu'on faisait un film, on avait le temps. Aujourd'hui, au contraire, avant, on faisait 2-3 minutes par jour. Aujourd'hui, je pense que les gens font le double ou le triple, quand je ne parle pas de la télévision, sauf quand les gens ont vraiment un sens et puis une production derrière qui suit. Et vous sentez vraiment que quand même un travail forcé, lorsqu'on veut faire un film aujourd'hui, on doit rentrer ça dans des formats, dans des... Vous savez, il y a eu au cinéma des cinéastes, ici, tout près d'ici, oui. Cinéma des cinéastes, il y a eu une journée où on a montré des films comme Delicatessen et d'autres films. Oui, excellent. Des films comme Delicatessen qui ont été faits il y a 20 ans, puisque il y a presque 20 ans que le film a été fait. Et ils ont fait une journée, une rétrospective avec des films de ce type, c'est-à-dire des films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est ça le problème.